19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce 730e numéro et dernier du mois de novembre. Il fait très froid dehors, mais croyez-moi, 2 heures de métal en fusion, ça va vous réchauffer. Il n'y a pas besoin de chauffage pour ça. Il n'y a pas besoin de ressortir une vieille chanterelle à charbon. Ça va le faire tout seul. Et puis, ça va vous décrasser les oreilles aussi. Ça, croyez-moi, comme toutes les semaines d'ailleurs. Justement, ce soir, j'aurai 4 nouveautés à vous proposer. Et il y aura également aussi un hommage à Wilco Johnson, qui fut le légendaire guitariste de Dr. Feelgood et qui avait une carrière solo longue comme le bras. Et puis on va revenir aussi sur des petites choses sorties ces derniers temps, parce qu'on a une actualité quand même très riche depuis cette rentrée. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va faire un petit tour tout de suite à Bourg-en-Bresse, où on va retrouver Messaline, qui viennent de nous sortir leur 6e album, qui s'intitule « Vieux démon ». Qui d'ailleurs était une des nouveautés de la semaine dernière. Alors Messaline mélange toujours avec bonheur un hard rock typé fin des années 70, début des années 80, avec des textes à la fois poétiques et alliant calembours et jeux de mots, à l'image de Ange, qui sont un petit peu leur maître à penser, même si musicalement, c'est quand même beaucoup plus rentre-dedans. Donc le morceau de cet album, ce soir, c'est « Black Shaman ». Yeah. le répète sans fin. Le pouvoir est au creux de votre main. Vous dominez le vivant mais en vain. Jamais vous ne changerez votre destin. Nous endurons vos guerres. Nous subissons vos erreurs. Vous gangrenez la terre. Condamnez l'espèce à l'extinction. Vos actes ont défini vos décisions. Vous payerez le prix de vos affronts. Nous ressentons la colère. Nous percevons la peur. Metal baroque et cinématographique, c'est comme ça qu'on peut décrire, je pense, la musique de Magoyand, avec L'éveil des titans, un extrait donc de Necropolis, qui est leur dernier opus sorti récemment. Made in France également, juste avant avec Messaline et le morceau Black Shaman, extrait de Vieux Démons. J'ai bien peur d'ailleurs que j'ai eu peur qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout. La platine m'a fait un petit caprice, mais enfin elle a pu repartir. Et on a pu avoir le morceau quand même jusqu'au bout. Continuons maintenant, très rock'n'roll, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout début d'émission, malheureusement, Wilco Johnson, le légendaire guitariste, nous a quittés donc lundi dernier à l'âge de 75 ans. Bon, quelque part, c'était un petit peu un miraculé quand on sait, rappelez-vous qu'en 2013, il avait été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, on disait qu'il n'avait plus que pour 6 mois et qu'il avait refusé tout traitement. Il s'est dit, bon, allez hop, je profite du peu de temps qui me reste pour faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire une tournée et un album avec mon copain Roger Daltrey, c'est le sublime album Going Back Home qui était sorti en 2014, dont vous avez passé d'ailleurs pas mal d'extraits d'ailleurs à l'époque. Et bah, toujours est-il que, eh bien, non seulement il a pu faire cet album, il a pu le tourner encore pour celui-ci aussi. Il a pu encore continuer sa carrière et même sortir un dernier album en 2018 et il tournait encore récemment. Donc un grand monsieur qui nous a quittés. Nous, on se souvient principalement de son passage avec Dr. Feelgood, même s'il n'a pas resté tellement longtemps, mais il a tellement marqué de la façon, par son jeu, par son attitude scénique. Voilà. On va se faire donc un extrait de l'album Sneaking Suspicion, sorti en 1977, qui est d'ailleurs le dernier qu'il a enregistré avec le groupe. Et le morceau là, il est extrait d'une compil qui s'appelle Singles The UAers Plus, parce que je dois avouer qu'à ma grande honte, je ne possède qu'un live de Dr. Feelgood, mais qui est post Wilco Johnson. Donc un grand merci à Roger de Planète Claire qui m'a prêté cette compil pour vous ce soir. Donc Dr. Feelgood, Rock and Roll, tout de suite, maintenant. Rock'n'roll, tout ça. City Kids, bah, c'est pas un des morceaux les plus connus de Motörhead qu'on peut trouver sur l'album On Parole, sorti en 1979. Enfin, à l'origine, c'était un album, le premier album qui a été enregistré en 1976, mais dont le label n'avait pas voulu parce qu'il était très mécontent. Et n'a pas voulu rendre son contrat pour autant au groupe. Toujours est-il que lorsque le groupe a commencé à avoir du succès à partir de 79, pas celui-ci ne s'est pas gêné de le ressortir. Et ouais, business is business, mais enfin pour nous les fans, ça nous a permis de découvrir quand même les tout débuts, les premiers grognements donc de la bête. Et puis c'est en même temps une occasion de faire un petit hommage à Phil Taylor qui était donc le batteur du groupe et qui a disparu, elle ça c'est un peu plus de 7 ans maintenant. Juste avant, rock'n'roll toujours avec Dr. Feelgood, groupe qui d'ailleurs qui continue toujours à être en activité, même s'il n'y a plus aucun membre d'origine. Et là, c'est donc en hommage à Wilco Johnson, qui fut leur premier guitariste au tout début des années 70. Et c'était le morceau Sneaking Suspicion, extrait donc de la compil single de UA Years, plus sorti en 1989. Après le rock'n'roll, on va passer à quelque chose de beaucoup plus brutal avec la première nouveauté. On va aller faire un coup de tour du côté de Metz, où les Messins donc de Catalyst, qui viennent de qui est un groupe de death metal qui existe depuis 2014, viennent donc de sortir leur deuxième album, la mi-octobre, qui s'appelle Different Painting for a New World. Alors on est là en plein death metal old school, mais ce qui n'exclut pas une certaine technicité. Et au niveau prod, eh ben, je crois que ça n'a rien à envier par rapport aux poids lourds du genre. Ça vous donne envie de découvrir? Ben, hey, restez à l'écoute. Worms and Locust, c'est maintenant. We'll be right back. êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Là, je crois qu'on s'en est grillé quelques-uns avec les Parisiens de Mezcla et leur mélange de death metal flamenco chanté en espagnol avec le morceau La Oda, Ola Salvadora, excusez-moi pour mon accent, extrait donc de l'album Vidas Suspendidas. Juste avant, venu de Metz, ses premières nouveautés de la soirée, le groupe Catalyst et son deuxième album Different Painting for a New World, c'était Worms and Locust. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus soft et de beaucoup plus lyrique, puisque demain, vous savez certainement que Nightwish va enfin venir jouer en concert à Paris, à l'Accor Arena Hotel, pour présenter son nouvel album Human Nature. Enfin, un nouvel album sorti quand même en 2020, juste au moment du confinement. Concert qui devait avoir lieu donc en fin 2020, qui a été reporté l'année dernière et qui enfin va pouvoir avoir lieu. Donc, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce concert de demain, on va se faire un petit extrait de cet album. C'est le morceau Music. Bah, ça porte bien son nom parce que Electric Shock, c'est quoi? Ce n'est que de la musique. mystery. Keep on in the missing music. Yourself to the endless symphony of now. You want to dream, want to tell and make you stay. Wish to leave the hollow to dance with them. Can you hear the brave come from the bones? Follow the beat and leave the noise behind if we be. Extrait de Human to Nature, le dernier album de Nightwish. Nightwish qui sera en concert demain à Paris à l'Accor Arena Hotel. Excusez du peu quand même pour la légende finlandaise. Revenons maintenant à une des grosses sorties de cet automne. C'est le nouvel album de Dead Daisies. Le groupe cosmopolite à géométrie variable nous sort son deuxième album avec Glenn Hughes au chant et à la basse. Celui-ci s'intitule Radiance. Alors je vous ai dit, c'est vrai que vous me connaissez, mon côté pinailleur, que j'étais un peu déçu. Il faut dire que le précédent Holy Ground m'avait vraiment scotché, mais ceci dit, Radiance c'est quand même très très bon, il y a quand même de très bonnes choses, mais c'est vrai que le précédent, comme je vous disais, il m'avait tellement scotché que j'attendais un petit peu autre chose. Enfin, par exemple, il y a un très très bon morceau qui s'appelle Cascade, qui n'aurait pas qui aurait été renié par Tony Iommi s'il avait aurait pu figurer sur l'album Seven Star, qui d'ailleurs à l'origine devait d'ailleurs être un album solo de Tony Iommi, ou sur les albums d'ailleurs suivants avec Tony Martin. Donc attendons-nous un riff bien lourd et un truc très mélodique. On va découvrir ça maintenant. We'll be right back. note de semaine, c'est Tony Yomi avec un de ses albums solo, The 1996 Deep Sessions, avec Glenn Hughes justement. Un album qui est sorti en 2004 et pourtant qui a été enregistré en 1996 et qui était resté dans les cartons. Il faut dire qu'à l'époque, le groupe se composait donc de Glenn Hughes au chant et à la basse, Tony Yomi est bien sûr à la guitare, Don Airey qu'on ne présente plus au clavier, et Dave Holland, l'ancien complice donc de Glenn Hughes à l'époque où il était dans le trapèze. Seulement, entre-temps, Dave Holland, il a été rattrapé par des affaires de pédophilie. Et du coup, le groupe ne voulait pas du tout être associé à ça. Donc, ils ont décidé de laisser ça dans les cartons et de refaire faire les parties de batterie par un autre batteur. Et finalement, c'est sorti en 2004. Donc, voilà pour la petite histoire donc de cet album. Juste avant Yomi, on retrouve Glenn Hughes avec les Dead Daisies, avec un extrait de l'album Radiance, sorti fin septembre, avec le morceau Cascade. Maintenant, je vous invite à faire un petit tour au sud de la France, entre Valence et Avignon, où on va retrouver Scarline avec son métal alternatif moderne et son dernier album Silence. Le morceau qu'on va se faire maintenant s'appelle The End on Your Skin. Dusk of Delusion et leur concept album dystopique Corollarian Robotic System Market Street et le morceau qu'on vient donc de s'envoyer à l'instant. Juste avant Dusk of Delusion, Scarlin et leur nouvel album Silence et c'était The End on Your Skin. Et il est déjà 21h01 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et oui, la première heure d'Electric Shock vient juste de s'achever. Il va être temps de se faire la deuxième donc nouveauté de la soirée. Avec quelque chose de beaucoup plus cool, très différent, avec le premier album de Hervé Le Chable. Alors Hervé Le Chable, c'est un chanteur-guitariste qui évolue à la fois dans un mélange de rock, de blues, voire même de musette par moment, avec des textes à la fois graves et poétiques. Donc il vient enfin de sortir son premier album qui s'appelle L'Inutile et l'Agréable, c'est tout un programme, et puis c'est vrai que ce qui est inutile est souvent très agréable, et ben, un morceau qui porte bien son nom ce soir, elle est le Suzy Blues. Ma coccinelle Suzy, dis, te souviens-tu? Suzy, dis, te souviens-tu? Du jour au petit bonheur, tu t'es posé sur mon cœur. Je m'inquiète pour toi, Suzy. Je m'inquiète pour toi. T'es sortie sans parapluie. Vois comme il pleut aujourd'hui. À marée basse, dans la mer. Montre-moi la lumière du phare. Chasse mon cafard. La lune éclaire les vagues tragiques. Bouteille à la mer. Mon cœur en fuit. Sur l'île de Bas, je vais cacher mes peines. Les mettre à la mer. Sur l'île de Bas, j'irai coucher sous terre mes amours nucléaires. Sur l'île de Bas, au vent qui vient, au cœur qui bat. Sur l'île de Bas, toi, tu t'en vas. Tranquille tout en douceur, Eric L et son nouvel album À quoi vivre, et c'était sur l'île de Batz. Juste avant, deuxième nouveauté de la soirée, premier album pour Hervé Le Chable et son Suzy Blues, extrait donc de L'inutile et L'agréable. Maintenant revenons à un album qui revient régulièrement dans Electric Shock ces dernières semaines, c'est l'album éponyme de Bukowski, et on va s'envoyer un petit From Above pour nous réveiller un petit peu. Roller Coaster, ça c'est un extrait de From Ashes, l'excellentissime album, deuxième album de The Toes, T-A-W-S, qui est sorti cet été et qu'on a eu la chance d'avoir en interview, c'était le téléphonique, c'était le 8 novembre dernier, le jour de l'anniversaire de 17 ans d'Electric Shock. Juste avant The Toes, c'était Bukowski avec From Above, ça c'est extrait du dernier album sorti cet automne. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. On va faire un tour aux States avec un des poids lourds de la scène métal actuelle. Le nouvel album de Disturbed, leur huitième, qui est sorti le 18 novembre dernier. Alors Disturbed, c'est du métal alternatif typiquement américain. Je dois dire que c'est le genre de groupe dont je n'attendais pas grand-chose et que j'ai eu l'occasion de voir une fois en concert. Et par contre, en concert, croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment du costaud. Alors du coup, le nouvel album Divisive, c'est son nom, qui est sorti mi-novembre, c'est pareil, c'est typiquement américain, toute production typiquement américaine, c'est-à-dire des guitares ultra compressées, un son de batterie trigué pas très naturel, c'est ça que je reproche. Par contre, ces morceaux-là en live, croyez-moi, ça doit faire vraiment très très mal. Donc le reproche que je ferais, c'est une production trop léchée, trop propre. Ça, c'est le genre de truc, quand vous réécouterez ça dans 10 ans, vous direz « Ah, ça c'était une production du début des années 2020, c'est typique, le genre de truc qui sur le coup frappe très fort, mais qui passe pas tellement bien à l'épreuve du temps. » Enfin, en attendant, le « Hey You » de cet album, lui, il décoiffe bien. Leaving que c'est bon, ça je m'en lasse vraiment pas. Petit tour au Japon et en 2016 avec Her Name in Blood et son album Bakemono. Je sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque on en avait passé tant qu'est plus et c'était le morceau Last Day. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai découvert ce groupe par l'intermédiaire d'un de mes meilleurs amis qui a été en voyage au Japon et qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène de là-haut ?» J'ai dit « Bah écoute, si tu pouvais me ramener un CD d'un groupe japonais, vraiment inconnu chez nous, mais pas un truc à fanfreluche avec du clavier partout. Moi, ce que je veux, c'est un truc de métal. Enfin, tu connais mes goûts. » Il me dit « Bon, bah j'ai essayé de te trouver ça. » Et quand il m'a ramené le disque, c'est vrai que la pochette paye pas de mine, j'ai dit « Bon, on va voir ça. » Quand j'ai passé ça sur ma platine, j'ai fait « Oh putain !» Et croyez-moi, 6 ans plus tard, je m'en lasse toujours pas. Et Her Name in Blood, bah, ce que j'ai cru voir, bah, le groupe aurait splitté en 2021. Dommage. Bon, enfin bon, espérons qu'ils se reforment et qu'ils arrivent à avoir une petite carrière hors l'archipel nippon. Juste avant Her Name in Blood, c'était par contre les Américains de Disturbed et leur 8e album Divisive qui vient de sortir. Et c'était le morceau Hey You. On va changer complètement de registre parce que vous savez, c'est ça, Electric Shock, hein, on passe un peu du coq à l'âne. On va se faire un petit peu de rock progressif et pour ça, on va revenir à l'album live de Marillion, le quadruple live Distant Lights, un album qu'on ne peut trouver que sur leur site ou sur le lieu de concert, qui regroupe donc 2 concerts enregistrés en 2019 lors de leur convention. Un à Port-Zéland en Hollande et l'autre à Leicester en Angleterre. Donc 2 concerts complètement différents, un qui met plutôt en avant l'album Happiness is the Road et l'autre plutôt un album qu'on a tendance un petit peu à décrier qui est Holidays in Eden, pourtant il y a de très bonnes choses dessus, comme ce Splintering Earth que je trouve vraiment pour ma part très floydien. Mais enfin bon, vous savez, quand je parle de Marillion, vous savez que je suis pas très objectif. Donc ce soir, ce sera Splintering Earth. So you save up your tears for the moments alone, until the splinters you gather will leave you glass of heart alone. And the same sun is shining on the ordinary. Chaque fois que j'écoute Marillion, moi, ça me fout des frissons dans le dos. Ah, magnifique. Splintering Heart, ça, c'est un extrait de l'album Distant Lights de Marillion, qui est sorti, je crois, au printemps dernier. Et Marillion, comme j'ai eu l'occasion de vous le raconter, nous avait donné un concert vraiment sublime au Zénith. C'est pas évident hein, d'arriver à faire une ambiance intimiste dans une salle comme ça, qui est quand même une très grande salle et assez froide. Ben, Marillion a réussi ce tour de force. Comme à son habitude, d'ailleurs. Eh bien, je vous ai dit quatre nouveautés. On va se faire la quatrième nouveauté de la soirée. Et pour ça, on va faire un bond dans le temps, puisqu'on va se retrouver en 1969 avec un nouveau live de Jimi Hendrix, je pense que c'est pas un hasard si cet album est sorti là, quoi, il y a une quinzaine de jours auparavant, puisqu'il aurait eu 80 ans. Il y a deux jours exactement, s'il était encore parmi nous. Et c'est vrai que la question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu encore nous pondre comme truc. Je pense que on aurait eu de tout, des trucs géniaux, des trucs certainement beaucoup moins bons. Quand on pense qu'il devait faire un album avec Miles Davis, ça aurait été soit l'un soit l'autre, à mon avis. Soit ça aurait été un chef-d'œuvre absolu, soit ça aurait été une immonde daube. Enfin, on ne saura jamais, puisque il est mort fauché en pleine gloire à l'âge de 27 ans. Enfin, toujours est-il que 50 ans après sa mort, il continue toujours à fasciner et à inspirer autant. Il faut dire que, il faut dire qu'il a tout créé, hein. La guitare électrique lui doit quasiment tout. Donc, un live inédit, enfin inédit, officiellement du moins, puisque les fans le connaissent parce qu'il y a déjà eu de nombreux bootlegs de ce concert qui avait été enregistré donc de façon professionnelle à l'époque, justement, en vue d'une sortie officielle, mais ça n'a jamais été fait. Et là, ça y est, enfin, avec l'accord donc des ayants droit de la famille Hendrix, et retravaillé par Eddie Kramer, qui était donc l'ingénieur du son habituel de Hendrix, le concert complet de Los Angeles du 26 avril 69 est enfin donc disponible. Alors dessus, il y a des merveilles, il y a une version sublime de Voodoo Child qu'on va se faire d'ailleurs maintenant, avec un medley, une reprise comme Hendrix aimait les faire du fabuleux Sunshine of Your Love de Cream. Déjà par Cream, c'est fabuleux, mais alors repris par Hendrix, c'est waouh. Que dire de plus? Je pense que Hendrix fait partie de l'histoire de la musique au même titre que Beethoven ou Mozart. Voilà, c'est clair. Puisque la preuve, 50 ans après, on en parle encore. Allez, on va se faire ce petit Voodoo Child maintenant. Down inside. Way down inside.

Voilà, on leur a laissé jusqu'au dernier Larsen. Hein. Que dire après que de cette version grandiose de Voodoo Child avec le Sunshine of Your Love intercalé. Extrait donc de l'album Los Angeles Forum, April 26, 1969, sorti mi-novembre. Et donc, c'était la dernière nouveauté de la soirée. Bon, on a encore le temps de se faire un petit morceau. Eh bien, encore un hommage à Jimi Hendrix avec The Foxy Ladies, groupe de Lyon dont on vous a présenté déjà depuis plusieurs semaines des extraits de leur dernier album Not Sorry et qui est vraiment un des coups de cœur de cette rentrée. On va terminer l'émission avec Vulture Dance. The Foxy Ladies. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Eh bien, j'espère vous retrouver non aussi nombreux la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métalliques, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Allez, à mardi. Salut à tous.